Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour, aujourd'hui les pros du boulot vous accueillent sur Radio Fadjet. Thomas et Zora allons parler de la création d'entreprise. Donc la création d'entreprise est une option de plus en plus populaire, mais cela peut générer du stress et de l'incertitude. Et une multiplication d'informations contradictoires sur Internet, des difficultés à trouver un financement, à préparer un business plan. Comment je vais faire pour quitter mon entreprise? Quelle procédure? Quel dispositif? Nous allons aborder tous ces sujets aujourd'hui. Nous allons aussi écouter deux témoignages de créatrices d'entreprises qui vont parler de leurs expériences, des démarches, des avantages et des difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Les pros du boulot sur Fadjet. Alors, pour commencer, parlons quelques chiffres. Alors, les Français n'ont jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020. C'est étonnant vu le contexte de la crise sanitaire. Mais en effet, près de 850 entreprises ont été créées l'an passé en France, soit presque 35 000 de plus qu'en 2019. Les micro-entreprises continuent à avoir le vent en poupe, particulièrement dans les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. Ce sont donc surtout les entreprises individuelles qui ont participé à ces dynamiques. Les créations d'entreprises ont été fortes dans les secteurs affectés par le confinement, comme livraison de repas à domicile, etc. Quelle raison pour la création d'entreprises ? Donc certains salariés sont angoissés par le chômage partiel ou par la situation économique de leur employeur et se sont lancés dans le développement du télétravail depuis le début de l'épidémie, ce qui a donné un certain goût à l'indépendance. Mais aussi un sentiment d'insatisfaction dans son travail actuel, un besoin d'évoluer, de progresser, faire face à des contraintes de santé, des aléas économiques et réaliser ses ambitions personnelles ou réaliser un rêve. Écoutons maintenant le premier témoignage de Cindy qui, après des années dans un salon, a décidé de se lancer dans son projet de coiffeuse à domicile. Durant le premier confinement, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport au travail que j'avais dans un salon et dans un centre commercial. Du coup, j'ai contacté Pôle emploi pour savoir à quoi je pouvais bénéficier en étant en CDI depuis 20 ans. Donc, on m'a dit, pas grand chose, à part la démission reconversion. De là, je me suis renseignée. On m'a donné les coordonnées de Madame Blott et j'ai monté mon projet avec Madame Blott. Ce qui m'a permis, déjà d'avoir toutes les réponses à toutes les questions que je me posais. Pouvoir vraiment mettre à plat le projet qui me tenait quand même à cœur depuis un petit moment. Et puis jusqu'au moment où j'ai pu démissionner et pouvoir être auto-entrepreneuse, coiffeuse à domicile. J'y pensais depuis un petit moment, mais le fait que mes enfants étaient relativement petits, j'attendais quand même un petit peu qu'ils grandissent, qu'ils soient un peu plus autonomes. Mais c'est vrai que j'y avais pensé. Et en même temps, j'avais peur de démissionner et ne pas pouvoir avoir de chômage si ça n'allait pas derrière, quoi. Madame Blott m'avait donné le numéro de téléphone de Terre de Développement de Lorraine à Neufmaisons, qui m'a vraiment bien aidée dans mes démarches, dans mes papiers et aussi dans la construction de mon dossier. Et c'est un dossier sur des études de marché, le pourquoi du comment je voulais faire ça et je voulais plus. Donc c'était vraiment tout autour de mon travail, par rapport à la coiffeuse à domicile. J'ai envie de dire la peur de ne pas réussir, parce que c'est quand même pas rien. La peur de ne pas arriver à avoir à assez faire de pub, assez démarcher de clients, toutes ces choses-là. Ça a été vraiment quand même un gros souci pour moi. Ce qui a fait le déclic, ça a été le premier confinement de l'année dernière, quand j'ai repris mon travail avec des horaires assez compliqué, gérer la maison, les enfants et tout, et ne plus avoir cette liberté. Ça a vraiment été un déclic. Ça a été vraiment un élément déclencheur où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment ça. Ça me permet de travailler en toute liberté, travailler pour moi aussi, financièrement, c'est quand même autre chose. Gérer mes horaires, gérer comme je veux ma famille, comme je veux mon planning, ça c'est vraiment quelque chose. Alors après la contrainte, c'est toujours la peur du lendemain, parce qu'on est sûr de rien malgré tout. Demain, le mois prochain, je sais pas si j'aurai assez de salaire contrairement au mois précédent. Alors aujourd'hui, j'ai moins peur parce que j'ai toujours mon complément de Pôle emploi pendant 2 ans. Mais c'est sûr que ça, dans 2 ans, je me dis, j'aurais peut-être un peu plus de crainte par rapport à ça. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin. Et quand on a un projet dans la tête, je pense qu'il y a quand même des choses en France qui sont quand même mises en place pour nous salariés. Et il faut pas passer à côté. On peut pas se dire à 50 ans, si j'avais su, je l'aurais fait. Donc, ouais, alors peut-être, hein, peut-être que dans 2 ans, je sais pas où je serai, peut-être que ça me plaira peut-être plus, ou financièrement ça n'ira pas, et ben c'est pas grave. Parce que je regretterai jamais de l'avoir fait. Au moins, j'aurais essayé, je l'aurais fait. Et ça, je pense que c'est ma plus belle, c'est mes plus belles valeurs. C'est de faire quand même ce que j'avais envie de faire, même si c'est pas simple, mais on le fait quand même. Merci Cindy pour ce beau témoignage. Nous parlons aujourd'hui sur Radio Fadjet de la création d'entreprise. Et on va se retrouver après une courte pause musicale avec Pharrell Williams et son tube Entrepreneur. Everything on his back, it's a family and passion. If the doors ain't cracking, you gotta let go, let go. If you wanna fly, take the lead. You gotta risk it all, risk it all. But there'll be lots of things you'll never see. You wanna be let out of here, you're welcome to go. 'Cause you never know what's in store, Mr. Entrepreneur. This position with no choice. Woo. System in prison, young black boys. Woo. Woo. Strike with white noise. Woo. The brainwash become hype you boys. You wanna be let out of here, you're Woo. Welcome Burn to go. Tightly. Woo. You're supposed to make it off Section 8. Woo. Woo. Rapping Peter just to pay boo. Woo. Woo. Prepare to risk everything. You need to let go, let go. And it's the color of your face. There would be no sunny days. Sunny days. If black went away. Black man, black man, black man. Black man, black man, black man. Black man, black man, black man. Black man, black man, black man. You wanna be let out of here, you're welcome to go. Black man, black man, black man, black man. Black man, black man, black man. Black man. Sur Fadjet. Bonjour, vous êtes toujours avec les pros du boulot. Aujourd'hui, Thomas et moi évoquons le sujet de la création d'entreprise. Donc Thomas, quelles sont les étapes d'une création d'entreprise ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des étapes, mais c'est sûr que avant de se lancer, il y a des questions à se poser au préalable. Par exemple, la première question que souvent les gens se posent ou devraient se poser, c'est la question... Ça implique quoi d'être le chef d'entreprise ? Quel est son quotidien ? À quoi ça ressemble ? Quelles sont peut-être les qualités et les compétences qui sont requises ? Mais aussi, quel impact, du coup, ça peut avoir sur la famille ? Du coup, la question à se poser, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Quel est l'état d'esprit d'un chef d'entreprise ? Bah, il y a tout ce qui implique la prise de risque, l'initiative, la force de conviction, la ténacité, la capacité à convaincre les clients, les salariés, les partenaires, capacité à repérer et exploiter les opportunités... Donc, poser les compétences qu'on a déjà acquises dans les différentes expériences, ça peut être intéressant pour voir si on a ce qu'il faut. Deuxième question au préalable, peut-être à se poser, elle est déjà un peu plus concrète, c'est en termes de réglementation. Est-ce que vous pouvez exercer le métier que vous envisagez ? Est-ce qu'il faut un diplôme particulier, un certificat de capacité, une licence, des normes particulières qu'il faut appliquer, à suivre ? Et puis, est-ce que c'est possible pour vous de quitter votre entreprise actuelle pour vous lancer dans une activité ? Est-ce qu'il n'y a pas une clause de non-concurrence ? Donc tout ça, c'est des vérifications préalables qui sont nécessaires. Ensuite, troisième point, l'étude de marché. Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à acheter ce que je propose ? Quel est le bon prix ? Quels sont ces clients ? Quelle est leur implantation ? C'est très important. Ensuite, est-ce que ce que je propose a une valeur ? Est-ce que c'est différenciant de ce qui existe déjà sur le marché ? Et est-ce que cette valeur ajoutée pourra se vendre de façon différente ? Ensuite, la communication. C'est pas le tout d'avoir une super idée, d'avoir un super produit. Si on ne communique pas dessus, Et si on ne le si on n'a pas les bons canaux pour le proposer, ça ne pourra pas servir au plus grand nombre. Donc tout ça, c'est vraiment très important sur l'étude de marché, étudier le produit et la zone de chalandise pour laquelle on va le proposer. Ensuite, chiffrer pour savoir si on va gagner sa vie. Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ce que je vends et avec mon nouveau métier, ma création d'entreprise ? Donc, des ressources clés, des ressources indispensables au fonctionnement de votre activité, les locaux, le matériel, les machines, les fonds financiers, etc. Des activités clés, donc les activités indispensables au fonctionnement de votre entreprise, la production, la gestion logistique, l'ingénierie, la gestion d'un site web. Les partenariats clés, quels sont les intervenants stratégiques du projet, les fournisseurs, les partenaires. Et la structure des coûts. Quels sont les coûts les plus importants? Quelles sont les activités les plus coûteuses? Quelles sont les ressources les plus coûteuses? Ce qui est aussi important, c'est la question de statut. Est-ce que je choisis l'entreprise individuelle, une société? Quelles sont les différences? Comment se renseigner? Parce que ça impacte le régime fiscal. Est-ce que mon entreprise va se développer? Et puis, dernière étape, mais importante quand même, est-ce qu'il y a des aides? Comment on peut les obtenir? Quels sont les critères pour les obtenir? C'est vrai que là, le conseil en évolution professionnelle peut aider dans tout ça, parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Beaucoup de gens mobilisent le dispositif démissionnaire, les aides de Pôle emploi, mais nous allons maintenant écouter le témoignage d'Amélie qui a quitté le métier d'orthophoniste pour se lancer dans une carrière de coach. À la base, j'étais orthophoniste, donc j'ai travaillé en tant qu'orthophoniste en salariat pendant 7 ans. Au bout d'un ou deux ans de pratique de cette profession, j'ai senti que je ne me sentais pas à ma place et que j'avais envie de développer autre chose. Donc ça a été le fruit d'un très long cheminement. Mais au fil de ce cheminement, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. Donc c'était devenir coach. J'ai commencé à me former. Le confinement a facilité, a accéléré les choses parce que j'avais un peu plus de temps. Et donc j'ai pu me consacrer et regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait disponible comme formation. Donc je me suis auto-financée ma formation. Et ensuite, il était question de qu'est-ce que je fais maintenant que je suis en salariat à temps plein, comment je gère la chose. Donc j'ai commencé par envoyer un mail à Pôle emploi pour savoir quelles étaient les démarches, si je souhaitais démissionner, etc. Et la dame tout de suite m'a dit « Attendez, ne démissionnez pas, je vous envoie un lien, il faut respecter bien la procédure parce que sinon vous ne pourrez pas retourner en arrière ». Et donc ce fameux lien, c'était le nouveau site Démission Reconversion. Donc j'ai suivi les procédures, j'ai vu que je rentrais dans les catégories, donc ces critères étaient validés, donc je suis passée à la seconde étape qui était de contacter un conseiller en évolution professionnelle. Chose que j'ai faite, j'ai suivi ces conseils qui étaient très très bons, enfin vraiment un très bon contact, très pro. Elle m'indiquait quel dossier je devais remplir, elle m'expliquait vraiment plein de choses. Entre-temps, j'avais fait une étude de marché, chose que j'ai apportée, j'avais créé mes réseaux sociaux, donc tout ça c'est des choses qui ont favorisé la validation de mon dossier. Le but de ce dossier, c'est de montrer qu'on a un projet sérieux et c'était le cas. On a décidé d'un nouvel entretien et elle m'a donné quelques astuces par rapport à la création d'entreprise, comment est-ce que je pouvais faire et puis des choses sur lesquelles je devais être vigilante. Et je suis maintenant coach en mission de vie, c'est-à-dire que j'aide les personnes sensibles, hypersensibles et haut potentiel, donc notamment en les aidant à les aligner à qui elles sont, à leurs valeurs, à leur mission de vie. Ça correspond beaucoup plus à mes valeurs, c'est-à-dire mes valeurs de liberté. Je ne me sentais pas spécialement à ma place. En fait, c'était vraiment ça, cette sensation, c'est de ne pas me sentir à ma place et de ne pas pouvoir développer toutes mes compétences comme je le souhaitais. Et puis se dire aussi que le salaire que j'ai à la fin du mois, c'est le fruit de mon travail, c'est aussi une motivation qui est différente. J'avais vraiment envie, je me suis dit, ouais, au pire, si ça ne fonctionne pas, ce sera une expérience. Mais je voulais vraiment, ça me prenait tellement depuis un certain nombre d'années qu'il fallait que ça se passe, en fait. Voilà. Cette envie, au fond de moi, n'a fait qu'augmenter au fil des années. Et vraiment, le conseil, c'est écouter vraiment ce qui vous fait vibrer. Et n'écoutez pas vos peurs, vos saboteurs qui sont là juste pour vous empêcher de sortir, pour vous protéger, en fait, pour vous garder dans votre zone de confort. Mais allez-y et vous trouverez toujours des gens sur votre route qui vont vous aiguiller, vous aider. Et puis, il y a maintenant beaucoup d'aide, donc, comme le conseil en évolution pro. Il y a des coachs maintenant qui sont là pour ça, vraiment, voilà. Entourez-vous des bonnes personnes et allez là où ça vous fait vibrer. Merci Amélie. Vous retrouverez plus de détails sur ce récit, sur ce beau témoignage sur les réseaux sociaux. Amélie Crépeau, coach à mission de vie sur le secteur de Nancy. C'était intéressant. Zora, pour conclure cette émission des Pros du Boulot, parlons du conseil en évolution professionnelle. En quoi il peut être utile dans la création d'entreprise ? Alors, le conseil en évolution professionnelle est utile dans la création d'entreprise pour déjà formaliser le projet. On peut avoir une bonne idée. Après, il faut vraiment formaliser le projet et pouvoir le mettre en action. Avoir un regard nouveau sur votre projet, donner du sens au projet. Effectivement, on a pu avoir une bonne idée, en parler à son réseau proche, sa famille, tout le monde est très enjoué. Mais d'avoir un regard professionnel sur ce projet, ça peut être aussi intéressant. Trouver la bonne information, c'est-à-dire s'orienter vers les bons interlocuteurs. Le conseiller en évolution professionnelle pourra vous orienter vers la chambre de commerce si besoin, les structures d'accompagnement, mais aussi comment trouver une banque, comment trouver un comptable, etc., qui sont vraiment importants au départ pour initier le projet. Ensuite, si vous êtes salarié, vous accompagnez dans le processus des missionnaires pour la création reprise, c'est le nouveau dispositif qui existe depuis environ un an, et donner une méthodologie pour la suite de votre projet. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, quel que soit le niveau de maturation de votre projet, pourra vous accompagner. C'était les Pros du Boulot, tous les lundis à 12h30 sur Radio Fadjet. Merci Zora. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.